Rudy, si tu réfléchis à ce château seulement, alors t'est-il possible ou concevable de te dire que tout cet univers, aussi large soit-il avec sa terre, on va même parler que de la terre, sa terre, son ciel, ses étoiles, tout ce qu'il a de tout ce qu'il comporte et tout son système sans précédent, qu'il est venu de lui-même ou par hasard, sans que quelqu'un l'ait créé? Car qu'est-ce qui est le plus grand, le château ou l'univers? Bien évidemment, c'est l'univers. Donc comment croire une chose aussi grande qu'elle s'en est toute seule, et une plus petite, tu ne crois pas qu'elle s'en est toute seule? Comme on l'expliquait, ces gens-là, ils sont... Je dis souvent l'exemple de ces gens-là, comment ils sont. Tu vois les jeux d'éveil pour enfants, en bois là, avec des trous. Il doit mettre le rond dans le rond, l'étoile dans l'étoile, le carré dans le carré. Ben lui, il prend l'étoile, il met dans le rond, il tape dessus pour que ça rentre. Il dit, ça va pas là. Il dit, si, ça va là. Il dit, non, ça va pas là. Il prend, il tape, c'est rentré, tu vois, c'est rentré, ça va là. Et il croit qu'il l'a retrouvé. Il est tout fier de lui. Regarde, tu mets l'enfant le jeu d'éveil, l'enfant il voit que le rond il rentre pas, il va pas insister, il va le mettre ailleurs, il va chercher. Ça va pas là, ça va là. Ça va pas là, ça va là. Lui, non. Ça rentre pas, il tape avec sa main, ça marche pas, il prend un marteau, il tape pour le faire rentrer. Il casse tout le jeu, même s'il faut. AMG, il faut que c'est dans la tête, tu vois. Voilà. C'est pas le jeu qui décide, c'est moi qui décide. Donc ces gens-là, ils sont comme ça. Ils sont partis inventer un tas de théories totalement absurdes, comme par exemple qu'on descendrait d'un primate, un singe, après que le singe il soit développé, il soit amélioré, c'est devenu un homme. Genre il a eu une descendance, l'homme qui est d'un côté et le singe de l'autre côté. Donc on dit, bah, ton frère c'est le singe. Le singe là c'est ton frère, tu dis moi c'est pas le mien. Toi maintenant si tu veux que l'autre soit ton frère, ça te concerne. Si tu veux te rabaisser à ce stade-là, tellement tu veux pas accepter une chose qui est indéniable, t'arrives au stade où t'es devenu le frère du singe. Et c'est parmi les théories qu'ils ont, venant d'autres. Quand tu leur dis singe, ils sont pas contents. Ils disent non, c'est un primate. On descend pas du singe, on dit c'est pareil. Ça c'est une chose que même des athées eux-mêmes ont vu que ça tenait pas debout. Mais ils ont attrapé une idée, ils s'y accrochent, pourquoi? Pour renier l'existence d'un créateur, pour pas avoir à l'adorer. Car à partir du moment où tu reconnais un créateur, tu te dois de l'adorer. T'as pas le choix. Si t'as créé, c'est que t'as une raison qui t'a créé. Hein? Donc ils veulent pas avoir l'argument. Ils disent non, moi j'y crois pas. Pour vivre dans leur anarchie et anarchie spirituelle. Et même corporelle, parce qu'ils font ce qu'ils veulent ces gens-là. Thalithan, amma dalalat al-shara' ala wujud Allah ta'ala, falianna al-kutub samawiyyah tantiqu bidhalika wa ma ja'at bihi min al-ahkam mutadammimati limasalih al-khalq dalilun ala annaha min rabbi hakimin alimin limasalih khalqihi wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kawniyyah allati shahida al-waqi' بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. Donc, par contre, par rapport aux preuves de la législation sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les livres célestes en ont parlé. Quand on parle des livres célestes, on parle des livres qui sont attribués aux religions monothéistes, comme le Coran pour l'islam, comme la Bible pour les gens du livre, et ce qu'elle comporte. Car on a expliqué qu'il y a d'autres livres précédemment avant le Coran. Seulement aujourd'hui, ils sont tous abrogés. Déjà, ils sont tous falsifiés, d'une part. Ce qui leur reste est falsifié. Et même s'ils avaient été encore intacts, ils auraient été abrogés. Donc, on voit que tous ces livres, tout ce qu'ils contiennent comme règles pour l'intérêt et l'avantage de la création, est une preuve que tout cela a été géré. Et par qui? Par un seigneur sage, savant, qui connaît bien ce dont a besoin sa création. Ces choses, ces livres, ce qu'ils contiennent comme information par rapport à la création. Des choses qu'on ne savait pas, comme par exemple la formation du fœtus dans le ventre de sa mère. Il y a 1700 ans, on pouvait pas le ans, on pouvait pas le savoir. Le Coran est venu, il en a expliqué. C'est pour la seule suffit à démontrer que ce n'est pas Mohammed qui a écrit le Coran. C'est pas possible. En tout cas, tout cela démontre qu'il y a un créateur. Car même aujourd'hui, regardez bien les lois qu'on a dans les lois, même les lois des pays, dans les mœurs des gens. Qui sont le bien dans les choses de bien et du mal, tout est tiré des religions à la base. Par exemple, le fait de ne pas voler. Même avant l'islam, on savait que voler, c'était pas bien. La loi du pays te le dit. Mais cette loi, d'où elle a été prise? Des religions. Le fait de ne pas tuer. C'était pris d'où? Des religions. Même le fait de faire zina, de forniquer, à la base, c'est une chose qui était honteuse avant. C'est juste qu'aujourd'hui, avec comment le monde se pervertit, se corrompt, c'est devenu une chose normale. Avant, c'était inconcevable qu'un homme et une femme puissent avoir une relation avant le mariage. C'était pris d'où tout cela? Des religions. Tout ça, c'était les religions. Même les bonnes relations entre êtres humains, comment vivre en société, tout ça, ça vient des religions. Mais ils l'ont oublié, ils ont fait leur laïcité, ils ont séparé religion et loi gouvernementale, mais les choses qui amènent à ce que les gens puissent vivre en communauté, ça a été pris des religions. Même avant, les rois, qui étaient autour d'eux? C'était les gens de la religion qui étaient avec eux. Quand un homme, un roi était nommé roi, c'était par quoi? Par le biais des rois religieuses. C'était obligatoire. Mais après, les gens, ils ont changé les choses. Donc tout vient des religions. Et les religions viennent de qui? Viennent d'Allah SWT. Seulement, elles ont été falsifiées. Par l'homme. Tout comme aujourd'hui, ils veulent même aller jusqu'à falsifier l'existence d'un créateur. Ils ont commencé par les textes religieux. Aujourd'hui, ils veulent même jusqu'à changer la création. L'homme devenir une femme, la femme veut devenir un homme, ils veulent faire un chien, le rendre comme une vache, ils veulent faire de l'eau, ils veulent en faire, je sais pas moi, de la terre, ils veulent changer les choses. Non, ils ne savent pas s'arrêter.